mange le coq et pique, mais pas le coq et pique. Je mange le coq et pique, mais pas le coq et pique. Moi j'adore le coq et pique, oh, braisé sur le barbecue. Moi j'adore le coq et pique, ouais, braisé sur le barbecue. De mes problèmes, non, non, non.